C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas l'objet de quelque chose qui serait vrai ou faux, mais c'est un prisme pour comprendre le lieu, le langage, les affects, dans quoi les gens s'inscrivent, pourquoi les vieilles chicanes, comment elles fonctionnent, puis comment on peut rebrasser tout ça à l'intérieur d'une conversation qui crée de l'espace pour toutes sortes de forces politiques, puis pour entendre toutes sortes de voix aussi. C'est assez faramineux là, d'entendre les enregistrements de ce qui se passe dans une chambre d'hôpital à Joliette, là, c'est pas banal, c'est pas une anecdote, là. Ces mots-là qu'on a réussi à entendre, là, si on répond pas, je dirais, il y a quelque chose d'absolument pourri. Et la chose qui est absolument pourrie, en tout cas, moi, c'est l'hypothèse que je fais dans l'œil du maître, c'est le discours que le Québec tient sur lui-même, cette espèce de fragilité identitaire qui est devenue un obstacle à l'intelligence collective, puis qui est devenue un obstacle à la possibilité de vraiment croire que c'est possible de travailler avec tous les segments à géométrie variable des collectivités pour produire plus de liberté, plus d'inclusion. Bonjour, bienvenue sur CKUT 90.3 FM, CKUT.ca, à l'émission En profondeur. Les extraits que vous entendiez font partie du webinaire entrevue que j'ai réalisé ce matin avec Thalie Giroux. Vous entendrez plus en détail trois questions que j'ai posées à Dali et ses réponses. Dali, est-ce que tu pourrais revenir sur le chapitre L'œil du maître puis le décrire plus en détail parce que tu as vraiment des métaphores par rapport à l'œil, par rapport au territoire, par rapport à la domination, qui mettent les choses très clairement à l'avant. Comment c'est un projet de domination, d'exploitation? Ben, c'est ça, c'est-à-dire, je lis l'exergue de Robert Hébert là, au chapitre, c'est pour me mettre dedans. Ce par quoi nous survivons, élabore directement au grand jour notre paralysie. Ce par quoi nous survivons élabore directement notre paralysie. Et ça, c'est difficile, hein? Ce qui nous fait vivre, en fait, nous empêche d'exister de manière éthique et de proposer quelque chose qui soit de l'ordre d'un horizon de vie collective digne, si on peut dire. Il y a comme un empêchement à la dignité. Et donc, il dit encore, poursuivrons-nous quant au même les folies de cet illégitime cumul. Donc, la culture comme un illégitime cumul. Dans tout cet attachement, puis cette identification au Québec à l'idée de l'identité québécoise, puis qui passe par une identification à l'État, qui est le problème principal pour moi, à quel point au Québec on a identifié État et liberté, tu sais, sur un plan sociodémocrate, etc., ça marche, mais cette identification viscérale à l'État du Québec, ça m'apparaît un problème parce que c'est un illégitime cumul, comme toute culture, évidemment, mais il y a quelque chose qui se calcifie là-dedans, qui me semble nécessaire de casser, tu sais, pourquoi mon collègue à Taran y écrit un tweet esprit, tu sais, depuis son bureau en Ontario, et là, toute l'Assemblée nationale du Québec parle au nom de la nation pour lui répondre. C'est hallucinant, là, ça, cette chose-là, là, poursuivrons-nous quand même, quant au même, les folies de cet illégitime cumul? Et il pose enfin la question, persévérer de par le principe de quel aveuglement. Et dans l'œil du maître, je l'appelle un excursus animalier. Je repars de cette expression, promener l'œil du maître. C'est une expression, ben moi, le plus loin que j'ai pu la rapporter, là, dans un bouche à oreille que j'estime assez comique, c'est dans le Poitou. C'est un paysan du Poitou qui, à la fin de la journée, il dit, bon, mais ben, il faut que je retourne chez nous, il faut que j'aille passer l'œil du maître, il faut que j'aille promener l'œil du maître. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le propriétaire d'un domaine agricole qui, chaque jour, ou chaque semaine, ou chaque mois, fait le tour de ses installations, on va voir ce qui se passe, vérifie si les bêtes sont en santé, etc. Et je pars là-dessus en cherchant, dans le fond, toutes sortes d'occurrences de cette expression de l'œil du maître. Puis j'en trouve plein à la fois dans la littérature française, dans la littérature québécoise et dans une fable de La Fontaine qui s'appelle L'œil du maître, où c'est l'histoire d'un chevreuil qui va se réfugier dans une étable. Puis là, les bœufs lui disent, ben, il dit au bœuf, est-ce que vous pouvez me cacher? Il y a des chasseurs qui me courent après. Ben, soit oui, tu peux te cacher, mais cache-toi comme il faut parce que le maître va te trouver. Toujours est-il que les valets viennent, puis les employés, donc tout le personnel subalterne vient s'occuper des bœufs. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a un chevreuil dans l'étable, pas de problème. Le chevreuil, il se pense, ben bon, il pense qu'il est sauvé, mais là, finalement, le maître arrive. Et le maître, c'est le propriétaire, c'est celui qui a un vrai intérêt à la prospérité. C'est celui, pour utiliser le langage contemporain, qui parle des vraies affaires. Lui, il veille au grain, il sait ce qui se passe, puis il a l'œil attentif de celui dont le profit dépend de son contrôle des choses et de l'ordre des choses, dans le fond. Et évidemment, ben, il voit le chevreuil, il le tue et il le donne à manger aux villageois qui sont bien contents. C'est ça la fable. Et c'est une fable qui remonte aux fabulistes romains, aux fabulistes grecs. Donc, c'est une vieille figure dans le rapport au territoire, dans le fond, qui est venue jusqu'ici avec Champlain. Puis je reprends le modèle de l'habitation de Champlain comme forme d'habitation qui est propre au colonialisme québécois, qui est celui du domaine seigneurial. Et ce que je crois, c'est que c'est une espèce de structure archaïque qui forme les racines de notre manière d'habiter. C'est-à-dire, là, tu mets un petit carré de clôture autour d'un terrain. Comme disait un ami, il y a une philosophie du terrain à faire au Québec. Donc, tu mets une clôture autour du terrain et puis tu l'exploites. Il faut que ça paye. Si c'est pas ça, le plan Nord, le projet d'exploitation des ressources au nord du 49e parallèle, c'est quoi? D'ailleurs, toute la côte Nord, hein, c'est l'ancien domaine du roi, donc c'était une énorme seigneurie destinée à l'exploitation des fourrures. Ensuite, ça a été la forêt, les mines, etc. Donc, tout ce rapport au territoire, qui est un rapport d'exploitation, dans lequel, puis bon, je pousse l'analogie peut-être trop loin, je sais pas, mais dans le fond, les Québécois, là. Les Canadiens, les Québécois qui étaient des Canadiens français, qui étaient des anciens Canadiens, là. Les gens qui sont restés sur le bord du Saint-Laurent quand les Français sont repartis, ces gens-là, dans le fond, ils n'étaient pas les maîtres, hein. Ils étaient peut-être les vaches dans l'étable, ils étaient peut-être les valets qui venaient faire le train, mais qui ne se rendaient pas compte qu'il y avait un chevreuil dans l'étable, mais leur aspiration, ça a toujours été d'être le maître. Et le maître chez nous, dans les années 60, ça a été la réalisation de ce projet-là. Nous autres, on ne veut pas être des vaches, on ne veut pas être des valets, on veut aller rester dans la maison, puis on veut que ce soit nous autres les vaches, puis s'il y a des chevreuils, c'est nous autres qui allons les tirer. T'sais. Et il me semble que ça résume assez bien, là, notamment, moi, c'est ce que je connais bien, l'ambiance dans les régions qui sont des régions ressources où on a installé des travailleurs québécois et autres là, qui mettent des petits bungalows le long des routes nationales devant lesquelles passent les camions de Pitoun vers le sud puis les camions de Doritos vers le nord. Toute cette habitation-là où on a mis ce que le droit canadien appelle des populations requises aux fins de la colonisation. Au Québec, on a une population d'origine requise aux fins de la colonisation, sous le mode du travail salarié essentiellement. Et à partir du 9e siècle, le monde sort des seigneuries. Il y a toute une autre histoire économique, dans le fond, qui est à raconter aussi. Mais pour dire que c'était de sortir de cet état d'exploités, de travailleurs au service des fins du capitalisme impérial, pour contrôler une partie de ce capital-là, puis s'en faire des redevances, s'en faire son petit domaine, s'en faire... Mais c'est une conception du territoire, pour moi, qui est à exploser, dans le fond. Et à la fin du livre, je me repose beaucoup sur les travaux récents de Malcolm Ferdinand. C'est sa thèse de doctorat, je pense, là, qui propose une relecture du colonialisme, de l'impérialisme, de l'esclavage, dans laquelle il montre finalement que l'exploitation des humains et leur déshumanisation, la réduction d'êtres humains au statut de marchandise, elle va de pair avec une réduction de l'ensemble de ce qui existe au statut de marchandise. Et donc, pour lui, il y a une articulation, là, puis il démontre de manière très convaincante, il y a une articulation qui n'est pas anecdotique, qui est fondamentale entre l'exploitation de tout par le capitalisme, la marchandisation de tout et l'entreprise coloniale par laquelle on a mis en esclavage les populations entières. Et dans le fond, cette question-là du comment habiter, je trouve que c'est pas la seule, hein. Il y a plein de façons par lesquelles on peut rentrer dans cette question-là, mais c'est une des façons de questionner de manière radicale l'habité, c'est une des façons par lesquelles on peut remettre en question nos rapports d'exclusion avec les minorités. Et c'est ça. Si le livre, je l'ai beaucoup articulé à la question autochtone, mais il s'articule aussi assez facilement la question des autres minorités. Voilà. Thalie, est-ce que tu pourrais parler de comment tu as influencé la pensée? Parce que tu parles quand même souvent de Jerzy Wied dans ton livre, là, puis tu en as parlé ailleurs aussi. Et aussi, tu cites à plusieurs reprises Pierre-Auras Tremblay dans ton livre. Est-ce que tu peux parler de leur influence et de l'influence de la philosophie politique autochtone, des premiers pas? Ben, oui. Dans mon parcours, ça a été vraiment... Parce que moi, je veux dire, la question du Québec, c'était sur mon radar, disons, de manière passive, ou en tout cas, je veux dire, comme citoyenne, disons, puis politologue, c'est sûr que... La question du Québec, je la connais puis je la suis, là. Mais au départ, moi, je suis plutôt spécialiste de la culture ou des rapports politiques dans la culture. Et puis, c'est au début, je raconte dans le livre, c'est au début, fin des années 90, début des années 2000, je commence à m'initier à la littérature autochtone, ça arrive un peu par hasard, et notamment pour une histoire amérindienne de l'Amérique de Georges Sioux. Donc, on parle de... C'est réédité en 99, c'est un livre de 89, je pense. Puis, je suis tombée là-dedans... Donc, les intellectuels autochtones, puis je faisais vraiment un effort de lire les gens qui écrivaient dans les territoires que j'habite ou en tout cas que je traverse. Donc, le monde, évidemment, le monde Ojibwé, le monde Anishinaabe, le monde Haudenosaunee, le monde Innu, bien sûr. Donc, cette littérature-là, des gens, c'est-à-dire, c'était l'idée aussi d'une littérature vivante où tu es en rapport avec des intellectuels, des créateurs, puis des penseurs qui réfléchissent dans les mêmes lieux que toi, puis pas nécessairement à partir de la même position. Donc, cette influence-là, elle est déterminante parce que moi, quand je commence à lire ça, j'étais à la fin de mon bac, je pense, donc à la fin des années 90, j'étais à Québec, à l'Université Laval, j'ai jamais entendu parler de ma vie, d'une autre histoire possible des lieux où on habite. Je suis une jeune universitaire, là, j'étais au bac, je tombe par terre vraiment. Et c'est un récit qui a des racines dans des épistémologies, des méthodes qui sont hyper intéressantes, développées, puis je tire le fil, puis je lis, puis j'en bouffe, puis je finis par rencontrer les gens. En 2004, j'ai commencé à côtoyer Georges Sioui, qui est venu pour la création du programme d'études autochtones à l'Université d'Ottawa, donc j'ai aussi vécu ça un peu avec lui à l'université. Puis après ça, moi, j'ai dirigé des thèses d'étudiants autochtones, tout ça. Bon, puis aller dans les territoires, enseigner dans un programme sur la Côte-Nord. C'est fini donc par réaliser qu'il y a toute une couche de la réalité réelle vécue avec des gens dans des territoires, puis des enjeux juridiques, politiques, intellectuels, culturels, qui sont très concrets, puis qui sont invisibilisés complètement dans ta société. Et donc, à partir de ce moment-là, donc ça, tu sais, ça fait quoi, une vingtaine d'années, j'ai toujours fait l'effort de garder ça très proche de mon travail, puis de toujours me forcer à être toujours en dialogue avec ces pensées-là. Et puis, bon, les écrits plus récents, dans l'œil du mal, justement, je reprends plusieurs images de Naomi Fontaine, qui sont super intéressantes là, quand elle parle de qu'est-ce que ça veut dire la réserve, puis qu'est-ce que ça veut dire le regard des Québécois sur la Côte-Nord, sur la réserve, etc. Je fais toujours, toujours, puis c'est pas un effort parce que ça devient comme une seconde nature de penser mes objets de politique locale toujours en conversation avec ces gens-là, puis c'est obligatoire. Puis c'est quelque chose qui rénove la pensée puis qui, justement, fait de l'espace. Évidemment, c'est un travail lent. Je trouve que quand on parle de ces questions-là, enjeux d'exclusion, minorité, racisme, colonialisme, on est pressé avec raison parce qu'on est enragé. Puis il y a de la colère, puis on veut que les choses changent. Puis c'est accablant, mais ça reste que c'est un travail long. Puis établir des dialogues, un dialogue, ça se fait pas en 2 heures comme on fait là, ça se fait en 10 ans, 20 ans, où on va s'inclure mutuellement nos paroles dans nos travaux, dans nos manières de penser, puis trouver, découvrir dans ces tensions-là qu'on crée entre les paroles puis les pensées, d'autres prismes, d'autres objets à partir desquels on peut travailler, puis de découvrir des luttes qu'on peut faire ensemble aussi. Et donc, c'est sûr que sans tout le travail des intellectuels et des artistes autochtones que j'ai côtoyés depuis 20 ans, ce livre-là, il n'existe pas. Pas capable de voir ces choses-là, c'est impossible. C'est d'accepter aussi d'apprendre, finalement, à tout âge de la vie, puis de s'éduquer de manière patiente, parce qu'il ne s'agit pas juste... Les gens, souvent, ils veulent savoir quelle bonne affaire il faut dire, quel mot il faut que j'utilise pour ne pas être blessant. Tout ça, c'est bien. Mais un vrai travail de pensée, de déstructuration, de recomposition des savoirs, c'est énormément de travail et c'est énormément de patience. Puis, c'est côtoyer ces pensées-là. Je trouve, moi, par exemple, puis pour sortir un peu de la question autochtone, je trouve que personne ne devrait avoir le droit aujourd'hui d'écrire sur la vie politique québécoise sans avoir lu « Ne suis-je pas québécoise » de Rosa Pires. Tu sais, s'il vous plaît, il faut intégrer ces paroles-là. Sinon, on ne sait pas où on est. Et moi, c'est la question qui me motive, qui est toute simple. Où est-ce qu'on habite? Où est-ce qu'on est? On, puis nous, tu sais, n'importe qui. C'est-à-dire, mon critère, c'est la contiguïté, si on veut. Et cette contiguïté-là, ben, il faut l'exercer avec la littérature autochtone, les revendications autochtones, les artistes, les présences. C'est tout le travail aussi de décoder les territoires dans lesquels on habite. Puis, c'est pas dans l'œil du maître, mais je fais tout un travail aussi de grammaire des paysages qui nous permettent de décoloniser notre rapport à l'habitat. Tu parlais de l'attention. Je vais mettre un extrait de l'intervention de Normand Najari. Et j'aimerais ça que tu commentes un extrait du texte qui s'intitule « Amir Attaran a raison, point d'exclamation, racisme structurel et mythologie blanche au Québec ». C'est juste le passage qui parle de toi, en fait. Oui, je l'ai lu. J'ai choisi un extrait, c'est tiré donc du texte que je disais. Ça dit « Pour Charles Mills, le contrat racial est la source de notre modernité politique ». L'ensemble des États du continent américain sont issus du colonialisme de peuplement. Depuis le début de la conquête des Amériques en 1492, il s'est agi pour les Européens de mettre en valeur des territoires sans maître, entre guillemets, puisque les Autochtones qui les occupaient n'étaient pas perçus comme pleinement humains. Les colons européens étaient définis comme rationnellement supérieurs à toutes les autres races et ce qu'ils expriment en anglais, en espagnol, en portugais ou en français. Selon le jus gentium, ou droit des gens, c'est-à-dire l'ancêtre de notre droit international, définissait les Européens comme les seuls sujets légitimes à conquérir, à prendre possession des terres non européennes. L'obsession canadienne des querelles linguistiques locales tend à faire écran à une fondamentale convergence entre tous les eurodescendants des Amériques qu'on pourrait définir comme entre italiques, droit fondamental au génocide. Il est vrai qu'en Amérique du Nord, les Irlandais d'abord, puis les Italiens et Polonais, des vagues d'immigration suivantes, comme les Canadiens francophones, ont été lésés au cours de leur histoire, en comparaison avec la population blanche de référence, les WASP. Mais, comme souligne Mills, le contrat racial évolue sans cesse pour acquérir de nouvelles populations sous la rubrique de la blancheur. Entre parenthèses, c'est une citation, « La blancheur phénotypique et l'origine européenne ne sont pas toujours suffisants pour accéder à la blancheur complète. Être accepté dans le sanctuaire du club racial, les règles doivent être réécrites pour permettre l'inclusion. » Fin de la citation. Aujourd'hui, les Québécois sont inclus à 100% dans le contrat racial, mais leurs hommes politiques et leurs éditorialistes adorent imaginer le contraire. Mais il souligne que le contrat racial implique un accord de méconnaissance. Il s'agit de se représenter de manière inexacte les questions raciales, soit parce que les non-blancs sont fantasmés ou mythologisés, soit parce que la société blanche elle-même est présentée sous un jour manifestement faux. Comme l'écrit le philosophe, citation, « Les blancs vivent dans un monde inventé illusoire, un monde imaginaire racial, une hallucination consensuelle, entre guillemets. » Fin de la citation. Les intellectuels en font même des livres. En fonction de la place qu'ils occupent sur l'échiquier politique québécois, ils déclineront l'hallucination de manière différente. Il existe une version de gauche, entre guillemets, et une version de droite, entre guillemets. Mais la racine est similaire. Le Nord-Américain blanc de la classe moyenne, pourvu que sa langue maternelle soit le français, n'aime rien tant qu'à s'imaginer en grande victime de l'histoire. Ainsi, à gauche, la politiste d'Ali Giroux, à la façon du Dr. King et de Little Nemo, nous partage son rêve. Citation de Dali. Une bonne part des gens qui sont devenus des Québécois est issus de populations requises aux fins de décolonisation, des gens qui ont fait l'objet d'une biopolitique coloniale, qui n'avaient pas de titre politique et qui, pour la plupart, n'ont pas vraiment choisi de s'établir en tant que colons en Amérique. Les Québécois ont été des immigrants involontaires, une petite main-d'œuvre illettrée, débrouillarde, et une population travailleuse qui les empires se sont échangés entre eux sans leur demander leur avis. Si on se défaisait de l'idée que le Québec hérite de la France, que les Québécois exercent de facto par leur couleur de peau, par leur langue et leur culture, selon le schéma du racisme impérial, une domination légitime sur les territoires du Québec, si on retournait au point zéro du débarquement, quelle sorte d'alliance pourrait-on rêver à partir des rencontres que nous faisons ici, maintenant, dans la vallée du Saint-Laurent et dans le haut des terres? Bon, je vais lire un dernier paragraphe. C'est l'une de ses caractéristiques de base. La suprématie blanche rêve à plein tube. Il s'en faudrait de peu pour qu'on dise que si la nation québécoise a mieux tiré son épingle du jeu de l'histoire que la République haïtienne, ce n'est pas parce qu'elle est composée de blancs, mais, entre guillemets, de débrouillards. Le Québec, réellement existant, hérite de la laïcité française, de l'État moderne, de l'impérialisme colonial. Le niveau de vie de la province est aujourd'hui conforme aux standards occidentaux. Les questions rhétoriques de d'Ali Giroux sur leur vernis radical se contentent de draper la suprématie blanche effective sous la fable d'un colonialisme de peuplement pacifique et harmonieux où la blancheur et la domination ne seraient pas ce qu'elles sont. Qu'est-ce que les non-blancs auraient bien à jouer ce jeu de rôle morbide qui, par goût du paradoxe, met les inégalités structurelles entre parenthèses? Il ne s'y agit pas d'imaginer un futur différent, mais bien de se rendre aveugle à la réalité présente. D'ici la fin, je vais mettre le lien. J'ai trop de choses à faire en même temps, mais en tout cas, je te laisse répondre à ça. Oui, oui. Ben, bon. Norman, ben, il n'a pas lu mon livre parce que, d'abord, je l'ai lu le texte au complet, puis je suis pas mal d'accord avec tout ce qu'il dit, y compris avec la conclusion. Il prend un extrait d'une entrevue pour me faire dire à peu près le contraire de ce que j'essaie de faire dans l'œil du maître. Si je retourne à 2017, le Québec brûle en enfer, parle en Amérique, etc. C'est un projet dans lequel, justement, il s'agit de remettre en question le discours du Québécois grande victime de l'histoire. Mais je comprends ce qu'il fait, là. C'est un texte politique, là. C'est pas un texte d'analyse. Puis il résume, bon, la pensée québécoise à gauche par moi et à droite par Denise Bombardier. Je trouve ça bien sympathique. Ceci dit, c'est vrai. Puis, c'est-à-dire, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de faire un portrait un peu, il me donne un rôle un peu figural, là, la gauche, la droite. Puis on rejoue finalement le Canadien errant, là, pour nier le présent infernal du contrat racial. Ça servirait à rien. Si mon travail ça avait été de redire la thèse de Pierre Vallière, je serais restée chez nous, là. Il s'agit justement, puis quand je disais tantôt, la difficulté de ma posture, c'est que je me salis les mains, c'est-à-dire je vois justement cette hallucination collective dont il parle. Je disais, je fais une psychopathologie du colonialisme québécois, c'est précisément ça. C'est-à-dire que je prends toute cette hallucination collective, puis je la fais travailler, puis je la trafique dans le fond, je la déconstruis. Tu sais, dans une optique de créer de l'espace dans l'imaginaire politique, moi, je travaille sur les imaginaires, puis c'est ça qui m'intéresse. Oui, tout ce qu'il dit est vrai. Le texte, il est très bon, mais je ne suis pas d'accord avec le rôle qu'il me fait jouer, disons, dans sa personnification de la pensée québécoise. Oui, ça donnait l'impression qu'il n'avait pas lu le livre au complet, en tout cas. Non, mais c'est tiré d'un entretien. C'est un extrait d'un entretien où je parlais d'un truc super concret. C'est toute la crise du N-word à l'Université d'Ottawa. Donc, moi, je suis dans un milieu concret qui est une université où je suis là avec mes collègues, avec mes amis, puis la communauté est déchirée. Puis j'en appelais, dans le fond, à relaxer le pompon, justement, du Canadien errant pour l'amener à la table puis accepter d'entendre. Parce que ce qu'il faut comprendre, on peut pas juste dire « Non, le Québec, vous êtes des colonisateurs, puis c'est la fin de l'histoire. » On peut dire ça, mais je pense que ça n'aura pas beaucoup d'effet politique dans notre travail de déconstruction culturelle. Ça ne sert à rien de le nier, dans le fond. Et donc, moi, mon pari, c'est de dire, les Québécois, quand tu leur parles de l'histoire, quand tu leur fais l'histoire de l'économie politique impériale, ils écoutent. Parce qu'ils ont déjà un référent par rapport à ça. Ils disent, nous autres, on a été opprimés, on a été colonisés, puis on a été du cheap labor. Donc, à partir de là, tu as leur oreille. Ils disent, OK, c'est vrai que vous avez été du cheap labor, mais ce n'est pas toute l'histoire. Et moi, je trouve que c'est une porte d'entrée à partir de laquelle on peut discuter de ces questions-là. Et donc, moi, je vois une accroche. Donc, retourner à cette question de l'exploitation canadienne-française, telle qu'elle avait été, dans le fond, mise à plat par un Pierre Vallière, mais repris infiniment, là, comme il dit bien Norman dans son texte, par toute une doxa du discours québécois sur lui-même, c'est pas dans le but de réitérer ce discours-là. Au contraire, pour moi, c'est dans le but de dire, ça, c'est une porte d'entrée, parce que moi, j'ai l'oreille de mes concitoyens québécois quand je parle l'histoire à partir de ce point-là. Mais l'idée, c'est de s'amener ailleurs, c'est de complexifier l'histoire, puis, tu sais, de mettre au jour la grande L'ignominie de Pierre Vallière, qui avait 21 ans, ceci dit, quand il a écrit ça, hein, je veux dire, il était réifié aussi beaucoup pour des fins politiques, cette erreur de confondre l'exploitation et l'esclavage, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est une mauvaise analyse de l'économie politique que fait Pierre Vallière. Et donc, c'est ça. Mais au final, je lis le texte de Norman Ajari, puis je pense comme lui, puis je m'en vais dans la même direction. Puis il finit en disant, tu sais, les Québécois, peu importe qui a été colonisé puis qui a été exploité, ils se promènent en SUV maintenant. Ben, c'est précisément ce que je dis dans l'œil du maître, puis toute la généalogie du maître chez nous, de dire, tu sais, qu'est-ce qu'on fait, n'importe qui, vous et moi, avec ce SUV-là? Et je lisais très récemment l'ouvrage publié par les éditions La Rue d'Orion, « Comment saboter un pipeline » de Andreas Mann, qui est préfacé d'ailleurs par Mouloud Désir. Puis je me disais, ouais, justement, qu'est-ce qu'on fait avec ces SUV? Lui, Andreas Mann, il propose de dégonfler les pneus, puis peut-être même de les rayer avec des clés. Et je pense que il y a un point de ralliement là, sur le problème du SUV entre moi et Norman, certainement. Puis justement, ça nous ramène à la question du capitalisme impérial. Et c'est précisément ce que je cherche à faire. Mais c'est très important dans tout ça qu'on ne rapetisse pas le débat à une question d'identité québécoise. Ça, c'est le Québec qui se fait ça à lui-même dans son délire ossifié, puis dans sa toquade, dans le fond, sa toquade politique là, par rapport à sa place dans le système fédéral, qui est tout un autre sujet. Mais il ne faut pas se laisser réduire à ce débat-là. Puis je reviens à Malcolm Ferdinand, qui le fait très bien. C'est comment, justement, une critique de l'économie politique, de l'impérialisme ici, maintenant, et de son histoire, s'articule à une critique de l'exclusion, de la discrimination systémique et du racisme.